Audiomatique. Audiomatique, transmission 543. L'ouverture était assurée par le projet Tycho et sa composition Horizon, qui est tirée de l'album intitulé Epoch, sorti en 2016. Et c'est maintenant au tour de l'artiste allemand Uwe Schmidt d'assurer la continuité à Audiomatique sous son pseudonyme de Senior Coconut. Coconut. leaves on the shake, and she steals a night kiss. Babies are belly dance, mirage romance in Casablanca. Frankincense in the dressless of her hair. They ride the night on a white mare. Her perfume drifts on the Arabian air from the heart of the harem. He carries her off down to Palm Breeze Oasis. Venom. Nous avions droit à Audiomatique, à Senior Coconut, incarné par l'artiste allemand Uwe Schmidt, de son album Musica Moderna Remixes and Rare Tracks Volume 1, sorti en 2018, nous entendions la pièce Yellow Mega Magic Mix. Allons-y maintenant avec le projet Erode. Audiomatic, nous venons d'entendre la formation Liquid Arlo Celluloid et sa pièce Desconexión Extática tirée de l'album Vertigo Magnético paru en 2014. Avant Liquid Arlo Celluloid, nous avions droit à une pièce collaborative des projets américains Love Lies Crushing et péruvien Fiorella Decisis, dont le titre New Bridge apparaît sur leur album conjoint intitulé Extrañas Letanias. Et pour amorcer la séquence, c'était le projet Erode mené par Alexander Dietz, guitariste du groupe allemand Heaven Shall Burn. De son unique album sous l'égide Erode intitulé Horizon, nous écoutions la composition Detect. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe suisse Monkey Tree. C'était à Audiomatic, le groupe suisse Monkey Tree, de son sixième album Sphere, paru en 2019. Il nous interprétait la pièce Ellipsis. Cette transmission d'Audiomatic se conclura sur la musique du trompettiste Christian Scott, de qui nous entendrons la composition The Walk, sur laquelle participe la chanteuse Sarah Elizabeth Charles. Cette composition apparaît sur l'album Diaspora, qui fait partie de la Centennial Trilogy, paru en 2017, et qui regroupe également les albums Ruler Rebel et The Emancipation Procrastination. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors, pour terminer, voici Christian Scott et sa composition The Walk de l'album Diaspora. C'était Audiomatic avec Les Sonoristes.